الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans le cinquième chapitre du livre qui s'intitule باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله. Et donc on a dit que ce chapitre-là, le chapitre du tawhid et de la shahada de la ilaha illallah, donc la shahada de la ilaha, c'est ce que le mu'allif il appelle ça adfuddal ala al-madloul, c'est-à-dire que la ilaha illallah c'est les mots de cette shahada et le tawhid c'est le sens de ces mots-là. Le sens de la ilaha illallah c'est le tawhid, et on sait qu'il n'y a pas de tawhid sans Ifrad, comme ils disent, Tawhid, Ifradullahi bil'ibadah, il n'y a pas de Ifrad sans réaliser deux parties. Pour réaliser le Tawhid, il faut deux choses, ce qu'on appelle An-Nafi ou Al-Ithbad, la négation, l'affirmation, le rejet de toute autre adoration autre que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le rejet de toute autre divinité, et l'adoration d'Allah, ta'ala wa taqaddas, seul, sans aucun associé. Et donc c'est le but du chapitre, c'est d'expliquer ça. Ensuite on va voir, et on a déjà vu dans le chapitre que pour expliquer cette shahada, le shir il cite des textes du Coran et de la Sunna, soit en expliquant, soit en montrant ce qui contredit la base de cette shahada. Et c'est ce qu'on appelle l'explication par l'inverse ou l'explication par en citant un annulant de cette shahada pour comprendre que le tawhid, c'est, comme il l'a cité dans le premier verset, montrer que l'invocation d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk akbar pour nous faire comprendre que la dua ou ifradullahi ta'ala bid-dua ou bid-da'wa, le fait d'invoquer Allah ta'ala seul, ça rentre dans le tawhid. C'est une sorte de tawhid, une sorte d'adoration. Et que invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sorte de shirk akbar, donc qui annule l'islam. Donc c'est expliquer une chose en citant son quelque chose qui va le contredire. Donc ça c'était pour donc c'était le verset de surat al-Isra, قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَيَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. On avait cité quelque chose de très important donc à la fin de l'explication du cheikh, où il a cité une parole d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, où le cheikh il disait, donc le cheikh Ibn Taymiyyah, cheikh ou l'islam, fal ayatu khitabu li kulli man da'a min dunillahi mad'uwan. Et donc que ce verset-là il s'adresse, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il s'adresse à quiconque invoque un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là-dedans on a deux umum, on a deux choses qui nous montrent la généralité, la globalité. La première c'est quand il dit kullu man, li kulli man. C'est-à-dire que ce verset-là, il n'est pas adressé simplement aux mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il est global, il est général, il englobe n'importe qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour répondre, ça c'est très important pour pouvoir répondre aujourd'hui aux gens du shirk, qui prétendent que ces versets-là, ils ont une portée particulière, puisqu'ils ont été, ils concernent les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ces versets-là, comme on a dit, en généralité, les versets qui évoquent le shirk, ils viennent toujours avec une forme de phrase qui est globale, qui montre la généralité. Et que quiconque qui fait l'acte ou qui dit la parole rentre dans le hukm du verset. C'est ça que le shir dit, fal ayatu khitabun li kulli man da'a. Kulli man. N'importe qui fait cet acte-là, il rentre dans le hukm qu'indiquent ces mots-là, les mots du verset. Les ulama, ils appellent ça al-umum al-lafzi. Ça rentre dans le sens de ces mots-là. Et la deuxième généralité dans le verset, c'est quand il dit man da'a min dounillahi mad'ouan. Mad'ouan maf'oul bihi ici, c'est quelle que soit la sorte de divinité qui est invoquée. Là aussi, on trouve des gens aujourd'hui qui nous disent non, le shirk, c'est l'invocation de quoi? Des statues, des idoles, comme l'ont fait les mushrikines du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Quraysh, ou ceux d'avant eux, le peuple de Nuh, qui ont invoqué en d'Allah subhanahu wa ta'ala, les statues donc forgées à l'effigie des saints de leur peuple, de leurs ancêtres. Ou comme les Quraysh ont invoqué Lat ou l'Uzza, ou Manat, bien qu'on verra que Lat, dans les chapitres suivants, Lat, selon un des deux tafsirs de Ibn Abbas, qu'il s'agissait d'un homme. Et donc, ce que le Shir, il a voulu aussi montrer en citant ces versets-là dans ce chapitre-là, c'est de montrer que justement le shirk, il n'est pas simplement restreint à l'adoration des statues, mais qui rentre aussi dans l'adoration de quoi? Des morts. Puisqu'on sait que, à son époque, à lui, ce qui a été très développé, l'essentiel de sa da'wa, elle a été contre qui? Contre les Qubouriyin. Les gens qui adorent les tombes, ou plutôt les gens qui adorent le sahib al-qabr, celui qui est dans la tombe, en l'invoquant et en lui vouant toutes sortes d'adorations, entre autres la doua. Et donc c'est pour répondre, comme on le voit dans Keshf al-Shubuhat, lorsqu'il répond à cette shubha, de dire que le shirk, il est simplement le fait d'adorer une statue, ou le soleil, ou la lune, comme c'était le cas pour le peuple d'Ibrahim ou autre. Donc ça, c'est ce qu'on avait, on avait terminé avec ça la dernière fois. Donc ça, c'est très important, c'est... De cette manière-là, on répond aux gens qui disent ces versets-là ont été révélés concernant les adorateurs de statues du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous n'adorons pas les statues. J'ai entendu des gens dire ça. De la même manière, concernant une autre forme de shirk qu'on verra plus tard dans le livre, inshallah, le shirk dans le hukm ou dans l'adoration ou dans l'obéissance. C'est les textes qui viennent concernant ces sortes de shirk-là, en général, ils sont généraux. Ils donnent comme sens la généralité. Comme le verset qu'on avait cité, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَمَنْ ici, اسم شرط, on appelle ça en arabe اسم شرط, et chez l'usulien, il fait de l'umum. Dans la langue arabe, on comprend de ça la globalité. C'est-à-dire que n'importe qui ne juge pas, qui ne tranche pas dans un litige, ou qui ne gouverne pas avec ce qu'Allah il a révélé, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc là-dedans, on a l'umum aussi. Donc ça, le shir par ce verset-là, il montre que l'invocation, ou que le fait d'invoquer un autre qu'Allah. Et ici, en l'occurrence, c'est ceux qui ont invoqué en dehors d'Allah des saints, des hommes pieux ou des prophètes ou des anges qui eux-mêmes cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à Allah et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ce qui dit, Allah jalla wa'ala dit, الذين يدعون من دوني فدعوا الذين زعمتم من دوني فليملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Eux, ils cherchent à se rapprocher d'Allah par le tawhid, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre que le fait d'invoquer un autre qu'Allah, c'est du shirk. Et donc que l'invocation est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rentre dans la ilaha illallah, le fait de rejeter toute divinité invoquée en dehors d'Allah et de rejeter toute invocation vouée à un autre qu'Allah et de ne vouer l'invocation qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième verset que le shir cite, et là on va voir par contre que c'est une autre sorte de tafsir de la ilaha illallah. C'est vraiment expliquer la ilaha illallah par le sens de ces mots. Le fait de tafsir shay bima tahtahu min al ma'ani. Expliquer la ilaha illallah par le sens de ces mots. Et ça, on a dit que ça vient beaucoup dans le Coran et même dans la Sunna, comme on va le voir à la fin du chapitre. On a dit que la majorité du temps, on a dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque cette shahada soit par ses mots et soit, et le plus fréquemment par son sens. Et c'est le cas ici dans le verset que le shir il cite. Donc les versets de sourate Az-Zukhruf. Allah ta'ala yaqul, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Donc, la traduction approchée de ça est lorsque Ibrahim, alayhi salam, dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. Non, juste un instant. À l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Taïb. Ici, le Muhashir dit wa tamamuha innahu fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Donc Ibrahim alayhi salam, il s'est adressé à son père et à son peuple par ces mots-là. Inni bara innani bara mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue de ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre quoi? Ça montre le sens du shirk. Ça montre que Ibrahim alayhi salam, il a déclaré se désavouer de tout ce qu'ils adorent et ensuite il a accepté une seule divinité, la vraie divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que les mushrikines, ils adoraient Allah azzawajal. Les mushrikines de son peuple, ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est désavoué de toutes les divinités et il a accepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit في عقبه يعني في ذريته فإنه سيهدين يا الله مجدغ وجعلها كلمة باقية et il en fit de ces mots-là, c'est-à-dire on va voir que ces mots-là c'est quoi, c'est la ilaha illallah. Il en fit de ces mots-là des mots qui allaient rester dans sa descendance. في ذريته من بعده يدينون بها لعلهم يرجعون إليها. Peut-être reviendront-ils vers elle, c'est-à-dire vers le tawhid. Il dit والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. Et les mots qui sont évoqués là dans le verset وجعلها كلمة باقية. الكلمة c'est quoi? C'est كلمة الإخلاص. لا إله إلا الله à l'unanimité des savants. Ici il dit وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. Et donc Ibrahim alayhi salam, est-ce que dans cette déclaration qu'il a fait à son père et à son peuple, est-ce qu'il a cité cette shahada par ses mots ou par son sens? Par son sens. Et donc il a exprimé la ilaha illallah en citant son sens. C'est-à-dire en citant ce qui est, comme on l'a dit, ce qui est voulu, ce qui est la finalité de ces mots-là, c'est de comprendre son sens, y croire et de le mettre en pratique. Même si le fait de la prononcer, c'est une condition de validité, encore une fois, de la foi, et qu'une personne rentre en islam avec ces mots-là, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le son sens ou son but principal, c'est pas le simple fait de prononcer ces mots, mais c'est de mettre en pratique ce qu'ils signifient. Et c'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, il a cité ici le sens de ces mots-là. Et donc, en exprimant, on sait que ces mots-là, ils sont composés de deux piliers, al-nafi wal-ithbat, comme on l'a dit avant, la négation et l'affirmation. Et donc, il a cité ou il a exprimé la négation en disant Innani bara'u mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez. Et il a exprimé l'affirmation, donc la négation qui est La ilaha, il a dit Innani bara'u mimma ta'budun. La ilaha, Innani bara'u mimma ta'budun. Ça, c'est le sens de La ilaha. Innani bara'u mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez. Alors ici, on a un idgham, on a minma, minma, minma, c'est min qui est rentré dans ma, minma. Ma ici, minma ta'budun, à la base, minma ta'budun. Ma ici, il est soit masdariya ou il est mawsoula. Masdariya, ça veut dire qu'on peut remplacer, on peut le remplacer et le verbe qui suit par le masdar, comme on l'a déjà dit. Donc ça donne innani bara'un. Min ibadatikum. Innani bara'um min ibadatikum. Je me désavoue de votre adoration. Mis à part l'adoration, pour l'ithbat, mis à part l'adoration de celui qui m'a créé. Mais la majorité des ulama, ils disent qu'il est mawsoula. C'est-à-dire, bima'na alladhi. C'est-à-dire, innani bara'un min alladhi ta'budun. من الذين من التي تعبدون من الذين تعبدون إلا الذي فطرني. Donc je me désavoue de ceux que vous adorez, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a exprimé l'affirmation par إلا الذي فطرني. Et ici il y a un point important. Ici, Ibrahim alayhi salam, donc Allah jalla wa ala, il narre les paroles, les mots qu'Ibrahim alayhi salam, évidemment, le Coran, on sait que c'est la parole d'Allah. Donc, illa alladhi fatarani, c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. Mais il rapporte les mots d'Ibrahim alayhi salam. Et pourquoi Ibrahim alayhi salam, ici, il a dit illa alladhi fatarani, il n'a pas dit illa Allah. Il n'a pas dit innani bara'u mimma ta'abuduna illa Allah. Il a évoqué illa alladhi fatarani. Il est dit que ici il a évoqué ça pour montrer quoi? Fatarani, comme il dit ici, le sens ay khalaqani. Illa alladhi fatarani, illa alladhi khalaqani. À part, je me désavoue de tout ce que vous adorez, de toutes vos divinités, à part une seule. Celui qui m'a créé. Pour montrer quoi? Pour montrer que celui qui crée, c'est lui qui mérite l'adoration. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit illallah. Illa alladhi fatarani. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, c'est lui qui mérite l'adoration. Et toutes les autres divinités qui n'ont rien créé du tout, mais qui sont eux-mêmes créées, sont rejetées parce qu'elles ne méritent pas l'adoration. C'est pour ça qu'il a cité illa alladhi fatarani et qu'il n'a pas cité illallah, qu'il n'a pas cité lafz al-jalal. Et donc, il a restreint, il a réservé l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul et il a rejeté toute autre adoration. Il a rejeté toute autre adoration vouée à un autre que lui, en s'en désavouant. Ibn Kathir, رحمة الله عليه دي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله منهم. ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإن هذه اللام تسمى لا النفي ولا التبرية. لا شي با سي دون فوت ليفر شي مويا لام لام النفي ولام التبرية، مي البلو جو سي لا سي با لام بيسكو سي لام لام ألف لام ألف لام ألف لا إله إلا الله لام ألف اون دي با لام. لام سي النوم دو لا لتر يعني. ici c'est لام ألف اون دي لا. فإن هذه اللام و اللا تسمى لا النفي ولا النافية للجنس. سي بلو جوست لا النافية للجنس. و نلابال اوسي ولا التبرئة. فتبين أن معناها النفي والإثبات والتجرير والتفريد والولا والبراء. وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص لعبادة له والبراءة من عبادة كل ما سوى. Donc l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que ces mots-là, ou le sens de ces mots-là, c'est l'adoration d'Allah seul. Et le rejet de toute autre divinité. Il dit min al-awthan, il faut pas comprendre de l'awthan le statut simplement. Toute idole, tout ce qui est pris en dehors d'Allah comme divinité, et tout ce à quoi est voué l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le sens de al-awthan. Ça que certains aujourd'hui disent que la démocratie, par exemple la démocratie, ça rentre dans al-awthan. Al-awthan, il dit, et c'est le sens de ces mots-là, la ilaha illallah, qu'Allah Jalla wa'ala a mis dans sa descendance et par laquelle ou qui a été suivi par ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ont guidé. Et ça, donc le fait d'adorer Allah Jalla wa'ala seul et de rejeter toute autre divinité en dehors d'Allah, c'est le sens de la ilaha illallah mutabaqatan. On retrouve encore ces fameuses dilalat al-mutabaqa. Donc c'est le sens de la ilaha illallah, son sens complet. Rappel al-mutabaqa, sens complet, tadammun, sens partiel, al-iltizam, une indication sur quelque chose d'extérieur, qui n'est pas compris à la base dans le mot. Ça qu'on dit que la ilaha illallah tadullu mutabaqatan ala ibadati Allah ta'ala wahdahu la sharika la wal bara'a min kulli ma siwa. La ilaha illallah, ça indique bil mutabaqa dans son sens complet sur l'adoration d'Allah seul et le rejet de toute autre divinité. Et ce la, ici quand on dit la ilaha, s'il l'appelait la an-nafi, on peut l'appeler la an-nafiyatu lil-jinsi. La an-nafiyatu lil-jins. La ilaha. Et on sait qu'il ne l'a pas dit ici, mais on sait que l'ilah, dans la langue arabe, le sens de l'ilah, c'est le ma'boud. C'est le ma'boud. Même si Ibn Taymiyyah, il rajoute toujours, comme on le verra après, Inch'Allah, il rajoute toujours al-ma'boud al-muta'. Al-ma'boud al-muta'. C'est celui qui a adoré et qui est obéi. Comme l'indiquent clairement les textes du Coran et de la Sunna. Al-ma'boud al-muta'. Ça, c'est l'ilah. Donc la ilaha illallahu, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comment on dit ça en français, il est l'istisna. On fait une exception concernant la divinité concernant la vraie divinité qui mérite l'adoration seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le rejet de tout autre divinité. Et cela, il s'appelle soit la an-nafi ou l'appelle aussi la at-tabri'a. Et donc, il apparaît que son sens, du point de vue en regardant ce verset-là et d'autres versets, il apparaît que son sens est composé d'une négation et d'une affirmation et que le fait de d'exempter Allah Jalla wa Ala d'avoir un semblable qui mérite l'adoration, comme lui. Sens de tajrid wa tafrid. Le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Wal wala wal bara. Donc, l'alliance et le désaveu. Wa tabayyan anna ma'na la ilaha illallah tawhidullah bi ikhlasi li'ibadatillah. Et donc, il apparaît que le sens de la ilaha illallah, c'est le fait de vouer le culte et de n'adorer qu'Allah Jalla wa Ala avec l'ikhlas. C'est-à-dire de nous vouer l'adoration qu'à Allah. Pas une partie de l'adoration pour Allah et une partie de l'adoration pour un autre qu'Allah, comme c'était la religion des mouchrikines de tout peuple. Et le désaveu de toute autre adoration vouée à un autre que lui. Et donc là, ça rentre vraiment dans le fait d'expliquer Kalimat al-Ikhlas, la ilaha illallah, par le sens de ces mots. On avait vu d'autres versets dans ce style-là, comme le verset où Allah dit Wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et le même verset qui ressemble, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc dans le premier verset où Allah il cite cette shahada par ses mots, et dans le deuxième où il la cite par son sens. Il y a d'autres, beaucoup d'autres versets comme ça, il va en citer un autre après, où Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est même le plus fréquent, il cite cette shahada par ces mots, pour montrer que cette shahada, ce n'est pas simplement une parole de la langue, comme on va le voir à la fin du chapitre, et que le but, c'est d'en connaître son sens, d'y croire fermement et de le mettre en pratique et d'éviter ce qui va annuler cette shahada parmi les annulants de l'islam. Et en premier lieu, le shirk. Donc ça, c'est pour le deuxième verset que le shir, il a cité dans ce chapitre-là. Ensuite, le shir, rahimahullah, il cite le verset de sourate At-Tawba, wa qawlu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ils ont pris leur rabbin ou leur savant et leurs adorateurs, leurs moines, comme seigneur ou comme divinité. On verra qu'ici, le sens de Rab dans ce verset-là, c'est le même sens que l'ilah. Min dunillah. Donc, ils ont pris leurs savants et leurs moines, ou leurs rabbins et leurs moines. On verra que l'ahbar, on va le dire après, inshallah, comme divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment on va le voir que c'est par l'obéissance? C'est-à-dire l'obéissance dans quelque chose qui contredit la charia, l'obéissance dans une législation qui n'est pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de ce verset-là. Et là encore, on va bien voir que l'adoration ne se limite pas à l'adoration des statues, mais que l'adoration, c'est aussi l'obéissance à une autre loi, à une loi forgée, à une loi qui n'est pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rentre dans les sortes de taghout. Comme Allah jalla wa ala yaqul, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Et rentre là-dedans toute loi forgée, toute législation qui n'est pas le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle طاغوت. Donc il dit ici l'Ahbar, al-Muhashi, Sheikh Ibn Qasim, il dit al-Ahbaru al-Ulama, wa ruhbanu hum al-Ubbad, wa ja'aluhum musharri'in fi tahlil ma harram Allahu. والتحريم ما أحل الله فصاروا بذلك أربابا أي آلهة لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. طيب donc ici dans le verset الأحبار c'est العلماء, ils ont pris leurs savants. Évidemment ici, encore une fois, le verset il a été révélé concernant les gens du livre, mais évidemment, il concerne aussi les musulmans. Donc, l'ahbar, c'est le pluriel de habr. Habr, c'est-à-dire savant. C'est que Ibn Abbas, il était surnommé Habr, Habr al-Ummah, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Rohban, hum al-Ubbad. Rohban, pluriel de Rahib, Allah alam. Et ici, c'est l'adorateur. Et ils les ont établis, ils les ont pris comme législateurs contre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est-à-dire qu'ils ont légiféré, qu'ils ont mis des lois en place qui ont le statut d'une législation. Donc ici, il faut rappeler quand même quelles sont les sifats de la législation. Une loi, ou ce qu'on appelle le qanoun, ce qu'ils appellent le qanoun, c'est une loi globale, générale, qui concerne tout le monde et qui est imposée. C'est-à-dire, fi ilzam, on l'impose, on force les gens à y obéir. Et fi mutaalliq bi'iqab, c'est-à-dire que celui qui désobéit à cette loi-là, ce qanoun-là, il est puni. Ça, c'est les sifats de la législation. Et ça, c'est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait d'imposer globalement un ordre, de forcer les gens à y obéir et à revenir en cas de litige pour y faire un tahakkum. Et d'y attacher une punition à celui qui n'obéit pas, ça, c'est les sifats de la législation. Et ça, c'est un acte parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit là. C'est-à-dire pas de différence entre le fait qu'Allah lui seul légifère et entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul crée ou fait tomber la pluie, fait vivre le vivant et fait mourir le mort. Pas de différence. C'est un acte qui n'appartient qu'à lui, qui rentre dans Ar-Rububiyya. C'est pour ça que le musharri', celui qui s'établit lui-même à un poste de législateur qui légifère des lois sous ces sifats-là qu'on a cités, il s'est mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah ta'ala wa taqaddas, il a appelé ces gens-là dans le Coran, il les a appelés tawarit, il les a appelés arbab, il les a appelés shuraka. Allah dit dans sourate Ash-Shura, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Est-ce qu'ils ont des associés, shuraka, avec Allah, qui légifèrent pour eux des lois qu'Allah n'a pas permises? Allah, il les a appelés shuraka. Pourquoi? Parce qu'ils légifèrent. Ils légifèrent des lois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas permises. Il les a appelés shuraka. Shuraka, c'est-à-dire quoi? Tawarit. Ils se sont mis à l'égal d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en prenant cet acte-là. Donc, comme il le dit ici, ceci, ça rentre dans ce qui n'appartient qu'à Allah, de sa rububiyya, de sa seigneurie. وَجَعَلُوهُمْ مُشَرِّعِينَ فِي التَّحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى. Donc, c'est une législation qui va contredire ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a légiféré de halal et de haram. Et ils deviennent par cela arbaban. Ici, il y a quelque chose d'important à rappeler, c'est que dans le sens de la législation, dans la charia, quand Allah il dit Rab, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Rab, ça a le même sens que il est. Ça a le même sens que il est. Et quand il dit il est, ça a le même sens que Rab. Par contre, si on trouve ces deux mots-là, c'est comme l'iman ou l'islam. Ce qu'on appelle l'infirad ou l'iqtiran. On sait que l'iman ou l'islam, lorsqu'ils sont évoqués dans un seul et même texte, comme dans le hadith de Jibril, que l'islam, c'est les actes apparents, et que l'iman, c'est les croyances cachées. Zahir ou batin. Ici, c'est pareil concernant, et que quand l'iman est évoqué seul ou l'islam est évoqué seul, ça englobe le tout. Ici, c'est pareil concernant l'ilah ou Rab. Si on a ilah ou Rab cité seul, ça englobe le fait qu'Allah Jalla wa Ala soit le créateur, le Malik, et qu'il mérite lui seul l'adoration. Et si on a l'un et l'autre cités à un même endroit, chacun va prendre son sens. Donc, Ar-Rab, le créateur, Al-Malik, Al-Mutasarrif, et Al-Ilah, Al-Ma'bud. Comme on trouve dans Sourate, Al-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Donc là, chacun y prend son sens. Mais ici, dans ce texte-là, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, ils les ont pris comme divinité, comme il va le citer après dans le hadith de Adi ibn Hatim radiallahu anhu. On le voit aussi dans le hadith de l'Imtihan, lorsque le mort dans sa tombe, il est interrogé par les deux anges. Les deux anges disent quoi? Man rabbuk. Est-ce que Man rabbuk, c'est le sens de qui est ton créateur? Si c'est ce sens-là, même Abu Jahl, il répond. Abu Lahab aussi. Shaytan aussi. Tout le monde répond. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Qui c'est qui t'a créé? Allah. Abu Jahl, il répond. Mais le sens, c'est qui? Man ma'abuduk. Qui c'est que t'as adoré seul dans cette dunya? Il dit comme si le Muhashi dit bon ici il dit que l'anna min khasa'is ar-rububiyya comme on a dit comme al-khalq le fait que la législation c'est un acte qui appartient à Allah seul comme la création. Mais al-hukm, sifat de l'hukm, le fait qu'Allah Jalla wa'ala, il juge, il émette des jugements, il légifère des jugements pour juger entre les gens ou pour gérer la vie de ces créatures, ça rentre aussi dans al-tawhid al-asma'i wa sifat, comme on l'avait vu dans al-wasitiyah. Allah Jalla wa'ala, il s'appelle al-hakam. Et on a vu comment Allah Jalla wa Ala dit wa aghayra Allahi abtaghi wa abghi hakaman. Et comme on l'avait vu, ça comprend deux sifat, sifat de l'hikma et de la sagesse et sifat de l'hukum. L'hukum, le fait de juger entre ses serviteurs. Que ce soit ici-bas en légiférant des lois, des statuts révélés dans le Coran et dans la Sunna, ou que ce soit Yawm al-Qiyamah lorsqu'il jugera entre ses serviteurs. Et ça rentre aussi le hukm dans l'adoration. Ça rentre aussi dans l'adoration par le hukm bima anzal Allah, c'est-à-dire que le juge, qui tranche entre deux adversaires avec la loi d'Allah Jalla wa Ala, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, celui qui revient en cas de litige à la loi d'Allah, il a adoré Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni al-hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyahu, yani bil-hukmi wa tahakum. Inni al-hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah, amara alla ta'budu illa iyyah, il vous a ordonné de n'adorer que lui par bil-hukm, yani par le jugement. Par le fait que le juge, il juge entre les adversaires avec le jugement d'Allah Jalla wa'ala, au but tahakum, et le fait de revenir à la loi d'Allah en cas de litige. Donc ça concerne le jugement, il concerne les trois tawhid. Mais quand ici il parle de tashri', de fait d'émettre des lois qui vont contredire la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est contredire Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyya et vouloir prendre ce qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. يدي وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي لما قال إنهم لم يعبدوهم عدي بن حاتم رضي الله عنه fait partie des Arabes qui s'étaient christianisés, étaient rentrés dans le christianisme et ensuite il a répondu à l'appel de l'islam et il est rentré un jour, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, il est rentré, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset-là, donc le verset de surat Tawba, ittakhadhu. Et là il a dit, mais ce qu'il faisait n'était pas de l'adoration. Donc Adi, c'est-à-dire l'adoration, salat, sujoud, ruku', etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Adi que leur obéissance dans ce qui contredit la charia, c'est-à-dire dans ce qui contredit ce qu'Allah Jalla wa Ala avait légiféré dans leur législation, que ce soit la législation de la Torah ou la législation de l'Injil, c'était ça leur adoration, comme il le dit dans le hadith. Du faqal, bal innahum harramu alayhimul halal, wa halalu lahumul haram, fattaba'uhum, fadhalika ibadatuhum iyyahum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Adi que ce qu'il faisait, ça rentrait dans l'adoration. Il a dit, belle, mais il leur interdisait ce qu'Allah jalla wa ala leur avait permis. Et il leur rendait permis ce qu'Allah jalla wa ala avait interdit, et ils les ont suivis dans cette législation. Et ceci était leur adoration pour eux. Donc, ils ont suivi une autre législation que celle d'Allah Jalla wa Ala. Ici, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, il faut pas comprendre comme certains le comprennent, le fait que leur shirk, ça a été quoi? Comme on va le voir dans ce qui suit après, Inch'Allah, leur shirk, ça n'a pas été le fait de croire qu'à un moment, on en parlera après dans la suite de l'explication de ce verset, où ce sera plus clair avec l'exemple du verset de Sourate Al-Ma'ida. Donc, le hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed. Rahimallah. Ça nous montre que l'adoration, ça ne se restreint pas qu'à l'adoration, encore une fois, des statues, comme certains veulent le faire croire, ou comme certains le croient. Et que le shirk, il y a des sortes de shirk, de la même manière qu'il y a des sortes de tawarit, c'est qu'on a un tarot fil ibada, ou un tarot, comme on avait vu au début du livre, la définition du tarot d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qu'on a un tarot al-ibada, ou un tarot al-hukm, ou un tarot al-ta'a. Donc on a un tarot dans l'adoration, celui qui est adoré en dehors d'Allah, on a un tarot dans le hukm. Donc celui qui est à qui on demande un jugement en dehors du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le tarot de l'obéissance, celui qui est obéi dans une législation autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trois sortes de tarot, et donc forcément on a des shirks de différentes sortes, et que le shirk, il ne se restreint pas qu'au shirk que pratiquait Quraysh. Bien que, comme on le voit dans sourate par exemple Al-An'am, on voit aussi que Quraysh, ils ont émis des lois, des choses qu'ils ont rendues interdites, qu'Allah Jalla wa Ala leur a rendues illicites, comme par exemple tous les versets dans Sourate Al-An'am sur les bestiaux, où, comme quoi Allah a dit, Ma ja'ala Allahu min bahiratin, wala sa'ibatin, wala wasilatin, wala ham. Toutes ces genres de bêtes qu'ils ont interdits, alors qu'Allah Jalla wa Ala leur a rendu halal, ils ont émis comme ça des législations, ils ont rendu halal haram, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas légiféré. Donc ils rentraient aussi quelque part dans ce shirk-là, mais ce qui était le plus répandu chez eux, c'était quand même l'adoration des idoles. Mais tous ces versets-là, ils montrent que le shirk ne se restreint pas qu'à ça, qu'il y a différentes formes de shirk, et que tous ces shirks-là vont annuler la ilaha illallah de la même manière. Que ce soit le shirk dans l'adoration, dans l'obéissance ou dans le hukm, tous ces shirks-là sont des annulants, le shirk d'une manière globale est un annulant de la ilaha illallah, quelle que soit sa sorte, du moment que c'est un shirk akbar. Donc c'est rapporté par l'imam Ahmed, et l'imam Tirmidhi, il l'a hassan, il a dit que c'est hadith acceptable, bon, yani. Wa qawluhu al-Masih ibn Maryam, ay ittakhadhuhu rabban bi'ibadatihim lahu, wa ma umiru illa liya'budu allaha, illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushirikum. Et ils ont pris comme divinité le Messie, Isa ibn Maryam alayhi salam. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris comme Seigneur en lui donnant l'adoration. On voit bien ici que le sens de Rab, ça rentre aussi dedans, Al-Mahlou, Al-Ma'boud. C'est pas seulement Rab, c'est pas le sens Rab au sens de créateur. Même s'il y a certains chrétiens qui donne certains attributs de la création à Isa alayhi salam, ici on voit que le sens, ils l'ont pris comme Seigneur en lui donnant l'adoration. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule et unique divinité. Seul lui mérite l'adoration et gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Subhanahu amma yushrikun. Ici, fadallat ala l'aya yani dallat ala anna man ata'a ghayr Allah ta'ala fi tahlil ma harram Allah ou tahrim ma ahallahu faqad ittakhadahu rabban ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرع الله ورسوله فقد اتخذوا المطيع ربا ومعبودا ورب هو المعبود ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا وجه متبقة الآية لترجمة أن من اتخذ شخصا يحلل محلل ويحرم حرم فهو مشرك والتوحيد الذي هو مدلول الشهادة أن لا إله إلا الله وإفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرم والتحليل محلل وهذه الآية كقوله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يعني وأنتم كفار ونحن بريء منكم وأنتم بريئون منا. Et donc, c'est ce verset-là. Donc, ittakhadhu, le verset de Sourate At-Tawba. Il nous montre que le fait d'obéir à une autre législation que celle d'Allah Jalla wa'ala. Ici, il dit fi tahalil wa tahrim ila akhir. On va voir après que des fois, certains ils comprennent mal cette sorte de shirk. Ils comprennent mal cette sorte de shirk. Ici, ce qui est voulu, c'est le fait d'obéir à une législation autre que la législation d'Allah Jalla wa'ala. On rappelle encore que la législation, c'est le fait de mettre des lois générales qui concerne un groupe de gens général, ça concerne pas le foulan ou allan de manière particulière, ça concerne tout le monde. C'est quelque chose fi ilzam. C'est-à-dire que le législateur ou le hakim, il force les gens à obéir. Et il attache à ça, en général, il est attaché à ça quoi? Une punition. Celui qui obéit pas, il est puni. Ça, ces sifat-là, c'est les sifat de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais juste citer, inshallah, lire une parole d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, où le shir, il cite ces sifat-là. C'est important de comprendre ça, de comprendre la différence entre la législation et entre le fait, par exemple, que ton père, il te dise, fais ceci, il te donne un ordre, et cet ordre-là, il contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il va te dire, je sais pas, il va dire à sa fille, enlève ton hijab, ne porte pas ton hijab. Et sa fille, elle va lui obéir, elle va enlever son hijab, mais en ayant la croyance que, évidemment, c'est haram. Ça rentre pas dans ce shirk-là. Ça rentre pas le shirk dans l'obéissance. Le shirk dans l'obéissance, c'est l'obéissance à une législation. La législation, ce qu'on appelle la législation, elle a des sifats bien particulières, ce qu'on appelle le tashri'. Ça que j'ai. Moi, sortir la parole d'Ibn Taymiyyah, je dois l'avoir quelque part. Juste, excusez-moi, une minute. Que je la retrouve. Donc, la parole du Shir, c'est ça. Elle est dans Al-Fatawa Al-Kubra, dans un recueil de Fatawa du Shir. El-Sheikh il dit Rahmatullah alayhi. Donc là, il faut bien écouter, il cite les sifats de ce que c'est la législation. Il dit فَمَنْ عَاقَبَ عَلَى فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَرَعَ ذَلِكَ دِينًا فَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَلِرَسُولِهِ نَظِيرًا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةِ الْكَذَّابِ وَهُوَ مِمَّنْ قِيلَ فِيهِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Donc le shir dit, si on écoute bien les sifat qu'il cite, il dit celui qui châtie quelqu'un, c'est-à-dire pour un acte qu'il a fait ou pour un ordre qu'il a délaissé mais qui n'est pas conforme, cet acte-là, le fait d'avoir fait cet acte-là ou d'avoir délaissé cette chose-là qu'il devait faire, c'est pas conforme à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il met ça, il en fait une législation. C'est-à-dire qu'il force les gens à le faire. Il en fait une législation, une loi pour tout le monde et il force les gens à le faire. Il dit alors celui-là, il a mis un égal à Allah. Et il a mis aussi un égal, un semblable à son messager. Et il est du même niveau que les mouchriquines qui ont pris des semblables à Allah, Jalla wa ala, des égaux à Allah, qui ont mis des égaux à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à celui, et au murtaddin, aux gens qui sont sortis de l'islam, les apostats, qui ont cru en Musaylim al-Kadhab. Et il fait partie de ceux qu'Allah il dit, « Am lahum shuraka » شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ont-ils des associés, c'est-à-dire à Allah, qui légifère pour eux des lois qu'Allah n'a pas permises. C'est-à-dire le sens de ce verset-là. أَمْ لَهُمْ شُرَكَ شَرَعُوا. La législation, c'est quoi? C'est le fait d'imposer une loi à quelqu'un qui n'est pas la loi d'Allah. Et cette loi-là, c'est une loi globale, encore une fois. C'est pas un ordre qui est donné à Fulen. L'émir, par exemple, il va dire à l'émir, le hakim, il va dire à tel Foulen ibn Foulen, fais comme ci ou fais comme ça. Non, c'est une loi globale qui est mise et à laquelle, qui est rattachée à l'ilzam, on force les gens, yani, à obéir, et à laquelle est rattachée l'iqab. C'est pour ça que le shir, il commence en disant, فَمَنْ عَاقَبَ عَلَى فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَرَعَ ذَلِكَ دِينًا. Il en fait une législation globale. فَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَلِرَسُولِهِ نَظِيرًا. C'est ça le shirk dans la législation. Et c'est pour ça que le shirk, comme on va le voir après, et comme on peut mal le comprendre dans la parole du shirk, on va lire après une parole du shirk, cette parole, elle peut être mal comprise, et on peut comprendre que le shirk, c'est quoi? Ça revient à la croyance qu'on a aujourd'hui, ça rentre que dans l'istihlal. C'est-à-dire, par exemple, que, on va le citer après, quand on va lire le verset qu'il a cité de Surat al-Ma'ida. Donc, le verset, il montre que celui qui obéit à une autre législation que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a pris cet autre, donc ce législateur, il l'a pris comme seigneur et comme ma'boud. Donc là, on voit que Rab, quand il est évoqué tout seul, ça a le sens de le ma'boud, de l'adorer aussi. Et ceci, évidemment, il l'a mis comme égal à Allah, et évidemment, ceci contredit le tawhid, c'est-à-dire contredit la base du tawhid, la base de la foi. La personne, elle devient mushrik, et si on avait jugé de son islam avant, elle devient murtad, apostat. Il dit, et tout adorateur et seigneur. Et tout, et ça, comme on l'a dit, c'est dans la législation. Il faut bien faire des fois la différence, entre le sens dans la législation et, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, le sens dans la langue arabe. Dans la langue arabe, si tu vas chercher Rab, donc Rababa à la base, Rabboun, qui le ba, il est Mushaddada, Rababa, Rab. Rab, c'est Al-Khaliq, ils vont te dire Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir. C'est le créateur, celui qui possède, ou Al-Murabbi, celui qui éduque, celui qui forme, ça c'est Rab. El-Ilah, ils vont te dire Al-Ma'bud. Ils vont te dire c'est celui qui est adoré. Al-Ma'bud. Ça, c'est l'Ilah. Ça, si tu regardes dans la langue arabe. Mais dans la législation, comme encore une fois, on a, comme on l'a dit avant, comme l'islam ou l'iman, dilalat al-iqtiran ou l'iftirat. Wal-infirat, pardon. C'est-à-dire que si le mot il est évoqué seul, il prend le sens global des deux mots. Comme il le dit ici. Il dit, et toute personne obéie et suivie dans ce qui contredit la législation d'Allah Jalla, alors celui-là, il est un associé à Allah Jalla, et celui qui lui obéit et qui suit sa législation, il l'a pris comme Seigneur et comme divinité en dehors d'Allah, avec les sifat qu'on a cités ici. Encore une fois, l'exemple qu'on a cité, l'exemple type, celui qui dit le père ou qui va dire, qui va ordonner à son fils ou à sa fille de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, si le gamin ou la fille obéit en ayant une croyance juste, en sachant qu'il désobéit à Allah et que ça contredit la législation d'Allah, ça rentre pas dans le shirk, dans l'obéissance. C'est pas une loi globale, c'est pas une législation âme, yani. Même si on peut dire que y a bon, il va le s'il obéit pas, il va le frapper, mais ça rentre pas dans la législation. C'est pas ça qui est voulu dans ce shirk-là. Bon, là, ici, il dit layutlaq mu'arrafan, c'est-à-dire on dit pas ar-rab pour un autre qu'Allah Jalla wa'ala. On dit pas ar-rab, on le dit quand il est même rabboun. Allah Jalla wa Ala, il dit Rabbun Ghafour dans le Coran. Même Rabbun, comme ça, Rabbun, on ne dit pas de quelqu'un Rabbun, même sans Alif Lam, même sans L. Rabb, par contre, quand il est Mudaf, par exemple, on dit dans la langue arabe Rabbu Dar, ou Rabbu Sayyara, ou Rabbu, je sais pas, ou Rabbu Kitab, yani Sahib. Sahib al-Kitab, Sahib al-Bayt. Donc c'est celui à qui est le propriétaire, celui à qui appartient la chose. Mais même là encore, il y a des détails. Si on dit Rabbus Samawati wal Ard, évidemment, on ne peut pas le dire pour n'importe qui, ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset qui a le même sens. Donc on a cité plusieurs versets, il va citer encore un autre après, et qui tous ces versets-là, ils ont le même sens, c'est l'obéissance à un autre qu'Allah Jalla wa Ala dans une législation qui contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a été le cas donc dans le verset 2, sourate Al-Ma'ida, quand Allah il dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ. Donc dans le verset de Sourate Al-Ma'ida, l'histoire du verset, c'est que, on a tous déjà lu ça, qu'il y a une partie de ce qui est le plus juste des Majus. Les Majus, les mages, ils ont, comment dire, comment dire, ils ont contredit les musulmans, pas contredit, mais ils sont intervenus auprès des musulmans en disant, vous, ce que vous égorgez vous-même par votre main, vous considérez que c'est halal. Est-ce qu'Allah a tué lui-même, par lui-même, sans votre intervention à vous, c'est-à-dire par exemple la bête retrouvée morte, tu tombée, assommée, ou j'en sais rien, ça vous le considérez comme haram. Donc vous considérez que ce que vous égorgez vous, c'est mieux que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tué lui-même, sans votre intervention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si les compagnons leur avaient obéi dans ce hukm-là, c'est-à-dire le fait de considérer, le fait d'accepter que ce qui n'a pas été sacrifié islamiquement, ou du moins tué islamiquement en faisant couler le sang et en prononçant le bismillah, ça, c'est halal. S'ils avaient accepté, obéi à ce hukm-là, ils auraient commis du shirk. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ici, ce qu'il faut comprendre, quand les ulémas, ils parlent de ce sujet-là et de ce shirk-là, d'ailleurs, je sais pas s'ils citent la parole de, ils citent pas la parole de Ibn Kathir, mais je vais la lire après, Inch'Allah. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le simple fait, quand on parle d'obéissance à une loi, c'est le fait d'accepter de s'y soumettre. C'est pas le fait de croire que c'est halal ou haram. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une loi qui va contredire la loi d'Allah Jalla wa Ala, par exemple, ici, dans cet exemple-là, comme la licéité de la bête morte. La bête morte, elle est haram. Le shirk, c'est pas le fait de croire que c'est halal. Les musulmans, ils savaient bien que c'était haram en islam. Il n'est pas là, le shirk. Même si ça, c'est une forme de shirk. Quelque chose qui est halal. Ou là, dans ce sens-là, dans ce contexte-là, quelque chose qui est haram, qui est connu par tout le monde chez les musulmans. Tout le monde sait chez les musulmans que la bête morte, elle est haram. Moi, si je crois, que je crois ou que je dis, j'ai pas besoin de dire, mais si je crois ou que je dis que c'est halal, khlas, c'est un kufr en lui-même. Mais ce kufr-là, c'est quoi? C'est at-takdhib, le fait de contredire la charia. Le fait de contredire la charia, de dire qu'une chose qu'Allah Jalla wa Ala, il a dit que c'est haram, moi je dis c'est halal. Allah il a dit faire halal, moi je dis moi c'est halal, alors que c'est connu par tous les musulmans, comme la chair de porc, comme le sang, etc. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu haram. Ici, ce qui est voulu, c'est pas ça. C'est pas la croyance, yani. C'est pour ça qu'après, on va lire une parole d'Ibn Taymiyyah, et cette parole d'Ibn Taymiyyah, franchement, elle est très confuse. Il y a des gens qui la comprennent mal. Mais si on l'observe bien, la parole, on voit que le shirk, il veut pas dire ça. Le shirk, c'est pas le fait de croire quelque chose qui contredit ce qu'Allah, il a légiféré. Le fait de dire que, ici, dans ce cas-là, avec les compagnons, leur shirk, c'est pas le fait que les compagnons, ils aient cru à un moment que la viande, que la bête morte, elle soit halal. Ils savent bien que c'est haram. C'est le fait d'accepter de se soumettre à une législation qui n'est pas la législation d'Allah. De dire d'accord, on va obéir, on va se soumettre. Mais même si tu as la croyance que c'est faux, que c'est batel, c'est le simple fait de se soumettre à une législation, d'accepter entre guillemets intérieurement. On peut parler d'obéissance intérieure et d'obéissance extérieure. L'obéissance extérieure, c'est le fait de commettre un péché. Quelqu'un il te dit fais ci, c'est un péché. Toi, tu le fais. Si tu crois que c'est haram, que c'est interdit, t'as pas commis de mécréance. T'as fait un péché, yani. Si tu crois que c'est halal, khalas, bon, tu sors de l'islam, mais c'est pas le même kofr. Là, c'est le fait de se soumettre à une législation qui contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre intérieurement. Le fait d'accepter ce hukm-là. Le fait d'accepter de se soumettre. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في فيما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Le fait de se soumettre à la législation d'Allah par l'intermédiaire de ce qu'il a légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que dans la parole d'Ibn Taymiyyah, il dit que ça touche les deux shahada. Il dit, celui qui fait ça, qui légifère comme soit une loi globale, qui force les gens à y obéir, à laquelle est rattachée une punition, il est à l'égal de celui qui a appris, ou celui qui lui obéit, il est à l'égal de celui qui a mis un égal à Allah subhanahu wa ta'ala et à celui qui a cru en Musaylim al-Kadhdhab. Pourquoi il dit ça, Musaylim al-Kadhdhab? Parce qu'il met à l'égal de la législation avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il met une législation à l'égal de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le fait de ce shirk-là, il touche à la ilaha illallah, comme il touche à Muhammad Rasulullah. Comme on le verra, inshallah, dans le chapitre de l'obéissance au gouverneur, évidemment Tawarit, et au tahakum et la tarout, ça touche aux deux shahada, par ce sens-là. C'est pour ça que le shir, il parle d'abord, il dit, bimanzilati alladhi ja'ala lillahi niddan, ou bimanzilati alladhi آمن بمسيلمة الكذاب. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce shirk-là, c'est le fait de se soumettre à une législation qui contredit la législation d'Allah. Il y en a, ils appellent ça قبول الأحكام. قبول الأحكام, le fait d'accepter une législation qui contredit la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fait d'accepter de s'y soumettre. Même si on a la croyance que ça contredit la législation d'Allah, comme on va le voir dans la parole du shir après. Et ceci, c'est de cette manière qu'on comprend pourquoi le shir, il cite ce verset-là, dans ce chapitre-là. Et le fait d'obéir donc encore une fois à une législation qui contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Et donc on comprend que de cette manière-là, de toute façon, comme on l'a vu dans le hadith de Adi ibn Hatim, donc ça c'est ce qu'on appelle un nos, que l'obéissance à la législation c'est une adoration. Et donc on a le droit d'obéir qu'à Allah et qu'à la législation qu'Allah Jalla wa Ala il a légiféré par l'intermédiaire de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça encore une fois que ça touche les deux shahadas. Et là, il dit que ce verset-là, il ressemble à un autre verset, au verset de Sourate Al-Imran aussi. Quand Allah Azzawajal, et ça tombe bien parce que ce verset, non seulement il parle de shirk al-ta'a, mais ce verset, c'est un des versets, comme le shirk Mohammed Rahimahullah, il le dit dans Al-Usul al-Thalatha, dans la première petite risala qu'il a écrite, qu'on lit en général en premier, Al-Usul al-Thalatha. Où il dit que ce verset-là aussi, il fait partie des versets qui montrent le mieux le sens de la ilaha illallah. Donc, dans le verset de Al-Imran, Allah il dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Donc Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, oh, en lui ordonnant de dire, oh gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah seul, sans rien lui associer, et que nous ne prenions pas les uns les autres comme seigneurs ou comme divinité en dehors d'Allah. Et si vous vous détournez, alors attestez que nous sommes musulmans. Ici, il dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. كَلِمَةٍ, الْكَلِمَةِ هَذِهِ مَا هِيَ. Si on regarde dans le tafsir des salafs, ici, الْكَلِمَةِ, il y a beaucoup de salafs qui disent, c'est quoi? La ilaha illallah. Donc c'est le fait d'appeler les gens du livre à la ilaha illallah et à l'application de la ilaha illallah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ces mots-là. Il explique le kalima en disant an la. C'est un idgham entre an et la. Ce an ici, c'est comme le an de وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. أَنْ c'est comme ici là, il va expliquer يعني. أَنْ تَفْسِرِيَا يعني, حرف تفسير, il va expliquer يعني. C'est-à-dire que comment ils viennent, comment on va être, comment ils vont venir les gens du livre à une parole commune entre nous et eux. Alla na'budu illallah. Encore une fois, le kalima c'est la ilaha illallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué la ilaha illallah? Alla na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'an. Que nous n'adorions qu'Allah et sans rien lui associer. L'adoration d'Allah seul et le désaveu du shirk. On retrouve les deux piliers, on retrouve l'ithbat wa nafi. Comme dans le verset qu'il a cité dans le chapitre. Mais là, il rajoute quelque chose. On a le waouh encore. وَلَا يَتَّخِذَا بَعَدُنَا بَعَدًا أَرَبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et que nous ne prenions pas les uns les autres comme seigneurs en dehors d'Allah. Et ici, les salafs, ils expliquent ça comment? Ils expliquent ça de la même manière que les autres versets. C'est pour ça qu'ils citent ce verset-là. Ça a le même sens que أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ça a le même sens que اتَّخَذُوا أَحْبَرَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ça a le même sens que فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Le fait d'obéir à un autre qu'Allah ou d'obéir à une autre législation. Où ils appellent ça le fait d'obéir à une autre législation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens du verset. Donc on voit que ça rentre dans le kalima. Allah jalla wa ala ici, il a expliqué le kalima, c'est-à-dire la ilaha illallah par trois choses. L'adoration d'Allah seul, le désaveu, le rejet du shirk et l'obéissance. Le fait de n'obéir qu'à sa législation à lui. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, souvent, quand il explique l'ilah, il ne dit pas comme tous les autres, il ne dit pas l'ilah ou le ma'boud. La ilaha illallah, la ma'boud bihaq illallah. Il dit l'ilah ou le ma'boud al-muta'. C'est celui qui est adoré et qui est obéi. Comme ça rentre ici dans ce verset. Même si l'obéissance, ça rentre, comme on l'a vu dans le hadith d'Ad ibn Hatim, l'obéissance, elle rentre dans l'adoration. L'obéissance et l'adoration. Donc on voit que le shirk, comme il se fait dans l'adoration, par un sujoud pour autre qu'Allah Jalla wa'ala, par dhabh li ghayrillah, comme toutes les adorations qu'il va citer dans le livre, inshallah, on voit que le shirk, il se produit aussi en obéissant à une autre législation que la législation d'Allah Jalla wa'ala, et que celui qui obéit à un autre qu'Allah, une autre législation, il l'a pris comment? Il l'a pris comme associé, comme tarout, ou comme shérik, ou comme rab, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il rajoute derrière le verset, ici il rajoute, après la parole d'Allah, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et si vous vous détournez, alors attestez que nous sommes musulmans. Lui, il rajoute, يعني وانتم كفار, que vous êtes كفار. Si vous n'adorez pas Allah seul, que vous ne vous désavouez pas du shirk, et que vous n'obéissez pas qu'à la loi, que vous n'obéissez qu'à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en se désavouant de toute autre législation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, rentre directement dans ce shirk-là, le shirk de la démocratie. Puisqu'on rappelle que la démocratie, c'est quoi? C'est hukm shab. C'est la loi, la législation du peuple. C'est pas la législation d'Allah jalla wa ala. C'est la législation, le din, la législation du peuple. Donc là, on voit que tout ça, il faut y mécroire. Et que le fait de rentrer là-dedans et de rentrer dans l'obéissance, dans ceci, c'est une forme parmi les formes de shirk. Et donc, et vous que vous êtes kuffar, nous nous désavouons de vous et vous de nous. C'est-à-dire pas de lien entre vous et nous. Pas de lien entre le musulman et le kafir. On va terminer avec la parole d'Ibn Taymiyyah. Encore une fois, cette parole qui est un peu confuse. Mais si on la regarde bien, on comprend que le shirk, il ne veut pas dire ce que certains y prétendent. Parce que là, encore une fois, il y en a, ils se servent du hadith de Adi ibn Hatim. Ils se servent du hadith de Adi. Dans certaines riwayats du hadith, surtout ils se servent de certaines riwayats du hadith pour faire croire que le shirk dans l'obéissance, il retourne à la croyance. Et là encore, on retrouve toujours la croyance de Al-Jahmiya. Toujours que l'iman, c'est Al-Tazdiq. Et que le kufr, c'est Al-Takdhib. C'est-à-dire que la foi, c'est le fait de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le kufr, donc, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est menteur. Ou de démentir le Coran. Chez ça, c'est la croyance de Jahm ibn Safwan. Comme on l'a vu dans le Wasitiya, et c'est la croyance de la majorité des gens d'aujourd'hui. Lorsqu'ils commettent un acte de kufr, ou qu'ils disent une parole de kufr, ils vont systématiquement conditionner la croyance. Est-ce que tu crois que c'est halal ou est-ce que tu crois que c'est haram? Et ici, dans dans cette forme de shirk-là, il y a des gens qui utilisent certaines riwayas du hadith rapporté par Adi, qu'on trouve dans le Mousnad de l'imam Ahmed et dans Sunan al-Tirmidhi, où dans ces riwayas-là, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit leur shirk, ou le shirk donc de Bani Israël, au sujet duquel Adi il a dit, ouais, mais c'était pas de l'adoration, il dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette riwayas-là, il dit, que leur rabbin et leur moine leur rendaient le halal haram et le haram halal, et que eux ils rendaient le halal du coup haram en les suivant. C'est-à-dire exemple, dans l'exemple qu'on a cité dans Sourate Al-Ma'ida concernant la bête morte, pour eux le shirk ce serait de dire quoi? Donc eux ils sont venus en disant ouais la bête morte c'est halal, et nous on va dire ouais d'accord c'est halal. on va croire que c'est halal. Et pour eux, le shirk, c'est ça. C'est-à-dire que ça va retourner encore une fois à la croyance. Pour eux, le shirk, ça va être le fait de croire que la bête morte, elle est halal. C'est ça, le shirk. Par contre, si je crois que c'est haram, mais que j'accepte cette législation, que j'accepte de me soumettre à cette législation, ça, c'est pas du shirk. Pour que ça soit du shirk, il faut que ça revienne à la croyance. Ils se servent de ces riwayettes-là. Et on va lire la parole-là ici, on va terminer avec ça, avec la parole d'Ibn Taymiyyah. On va voir que sa parole, elle est confuse et que on pourrait comprendre ça. Mais si on regarde bien sa parole, c'est pas ça qui veut dire le shirk. Déjà, le shirk, il va citer deux choses. Donc le shir, il commente ce verset-là, il commente le verset de Surat al-Tawbah, Ittakhadhu, et il va citer deux choses. La première chose, c'est, il n'y a aucun doute, c'est le sens du verset. Et la deuxième chose, le shir, il le rentre dans le verset, mais Wallahu alam, c'est confus, parce que c'est pas le sens du verset, donc on va lire, Inch'Allah, la parole. Donc, قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من على وجهين. Donc rentre dans le sens du verset, il dit ceux-là dont Allah جل وعلا parle dans le verset, ceux qui ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur ou comme divinité, ils sont de deux sortes. Il y a deux sortes en fait. Donc là, il va citer deux sortes. Et en réalité, Wallahu alam, la deuxième sorte qui cite le shirk, ça rentre pas dans le sens du verset. La première sorte, le shirk, il dit quoi? Il dit, donc là, il faut bien regarder ce que le shirk dit, sinon on peut comprendre mal. Shirk, il dit la première sorte, an ya'lamu annahum baddalu din Allah fayattabi'unahum 'ala hadha at-tabdil fayahtaqiduna tahlil ma harramahu Allah أو تحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله لله شركا وقد جعل أو قد pardon قد جعله الله شركا. Donc ici la première sorte qui cite. Il dit, ceux-là qui sont cités dans le verset, là, ceux qui sont cités dans le verset, ces gens-là savent, donc, que ces législateurs-là, qui ont émis des lois qui contredisent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, ils savent qu'ils ont changé le din d'Allah, qu'ils ont changé la loi d'Allah. Et ils vont les suivre sur ce changement. Donc, jusque-là, ça va. Mais c'est après, c'est là que la parole du shir, elle est ambiguë. Il dit, فَيَحْتَقِدُونَ. Ils vont croire. Encore une fois, l'ihtiqad, ça vient de l'aqd. Là, c'est le fait de croire fermement. Ils vont croire fermement que ce qu'Allah il a interdit, c'est halal. Et que ce qu'Allah il a rendu halal, c'est interdit. En suivant leur dirigeant, donc leur législateur. Mais c'est là qu'on voit que le shir, il parle pas de la croyance. Quand il dit ça, ma'a ilmihim annahum khalafu din ar-rusul, en sachant qu'ils contredisent, ces législateurs-là, qu'ils contredisent la religion des prophètes, la législation avec laquelle sont venus les prophètes. Ils savent que ça contredit ça. Donc ça revient pas à la croyance, c'est pas le fait de croire que de dire que une chose qu'avec par exemple laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu comme étant haram, le shirk c'est pas le fait de croire que c'est halal dans la législation dans l'islam. Ils savent que ça contredit le hukm religieux. Il dit فَهَذَا كُفْرْ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ شِرْكًا. Ici ce qu'il faut comprendre c'est le fait qu'ils acceptent la législation. Il y en a d'autres ulama, ils disent qaboul el ahkam, le fait d'accepter les statuts juridiques, le fait d'accepter une autre législation, de se soumettre à la législation. Mais le shirk, en aucun cas, c'est le fait de croire que le halal il est haram. Puisqu'on voit bien là, il dit ma'a ilmihim annahum khalafu din ar-rusul. Avec le fait qu'ils sachent qu'ils ont contredit la législation avec laquelle sont venus les messagers. Donc ils savent très bien que ça contredit le hukm des messagers. Donc ça ne rentre pas dans le kufr tekdhib. De toute façon, si tel était le cas, on sait très bien que quelqu'un qui croit que, par exemple, que quelque chose qui est haram, c'est halal, il n'a pas besoin de le faire. Il mécroit déjà. Khlas. Si c'est quelque chose qui est connu, ma'lum min ad-din bi ad-darura, il mécroit directement. Quelqu'un qui croit que la salat n'est pas obligatoire, même s'il prie au premier rang, même si c'est lui qui dirige la salat, l'imam, il est kafir. Donc, il n'a pas besoin de faire l'acte ou de dire la parole. Et ici, dans la deuxième chose que le shir cite, il dit أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال. Oubliez ici, Allahu alam, ici, في قلب يعني. Ici, c'est بتحريم الحرام وتحليل الحلال. C'est un verset dans la parole. ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء له حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت إنما طاعة في المعروف ثم ذلك المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع وقصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق قد اتقى الله فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبع وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك لا سيما إن اتبع في ذلك هوى ونسره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك وإن كان المتبع للمجتهد عاجزا يعني عن الاجتهاد وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. Donc là, il y a une deuxième chose qui montre dans ce deuxième point qu'il cite, il y a une deuxième chose qui montre que dans le premier point, ce qui vise, c'est pas la croyance. Donc là, il dit dans le deuxième point, et on va terminer avec ça, il dit que la deuxième catégorie de gens concernés dans ce verset-là, mais wallahu alam, ça rentre pas dans le verset, que leur croyance, elle soit saine, concernant le halal et le haram. Mais c'est des gens qui vont obéir dans la désobéissance à Allah. Ça, c'est l'exemple qu'on a cité avant. Par exemple, comme l'émir ou le gouverneur, il va ordonner à quelqu'un qui est sous son commandement, il va lui ordonner, yani, de faire quelque chose qui est haram. Mais c'est pas sous une forme de législation. C'est pas une loi globale. Une loi globale qui est attachée, à laquelle est attachée une punition, etc. Comme on peut connaître aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle al-qawanin al-wada'iyya. C'est-à-dire les lois, le code civil, le code pénal, etc. Il ordonne comme ça à son sujet, qui est sous son ordre, ou sous son commandement, il va lui ordonner de commettre quelque chose pour un intérêt, quelque chose qui est haram. Cette personne-là, elle la commet en sachant que ce qu'il fait, c'est haram, il commet un péché, il ne sort pas de l'islam. Donc ici, c'est l'exemple qu'il cite. Il dit, comme n'importe quel musulman, il dit, commet un péché en ayant la croyance que c'est un péché, que ce n'est pas permis, alors celui-là, il a le même statut que n'importe quelle personne qui désobéit. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari muslim, ça, innama ta'atu dans le Bukhari, innama ta'atu fil ma'aruf. Il n'y a d'obéissance que dans ce qui est bon, ce qui est juste, yani, ce qui est permis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, là, il cite un autre sujet. Il dit, c'est si celui qui, par exemple, le qadi ou le mufti, le mujtahid, il se trompe et il va rendre quelque chose qui est, par exemple, qui est halal, il va le rendre haram. C'est-à-dire, le mujtahid, il fait un ijtihad, et il va tomber sur un hukm, il va émettre un hukm. Ce hukm-là, il contredit le hukm d'Allah et de son messager. Mais si c'est dans un sujet dans lequel est permis l'ijtihad, on sait que al-hakim idhajtahad wa akhta falahu ajr. Il fait un ijtihad, il se trompe, il a une récompense, il a fait un effort d'ijtihad, il a eu l'intention d'atteindre le hukm d'Allah, mais il s'est trompé, il a une récompense. Et que le mujtahid qui fait son effort, qui trouve le hukm d'Allah, jalla, celui il en a deux. Mais ici, ce qui est voulu, ce que le shiri vise, ici, c'est les sujets dans lesquels l'ijtihad il est permis. Et on sait qu'il n'y a pas d'ijtihad dans les sujets, par exemple, du tawhid, ou dans les sujets de usul et l'ihtiqad, comme on l'avait vu dans le wasitiya. Donc, celui qui fait un ijtihad et qui dit à la fin, c'est permis de faire le tahakkum et le taghut, ou celui qui fait un ijtihad et qui va contredire, par exemple, les ijma'a des compagnons sur le fait qu'Allah Jalla il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle, ou que le Coran c'est la parole d'Allah, tous ces ijtihad-là, ils sont rejetés. Et on sait que même, on a vu que c'est des choses qui atteignent la mécréance. Donc l'ijtihad, d'accord, mais dans les sujets dans lesquels l'ijtihad il est permis, comme par exemple dans le fiqh al-nawazil, comme on sait que dans le fiqh, les mujtahidoun, ils ont fait des ijtihad, ils sont pas tous d'accord les uns sur les autres. La majorité des ulama, ils disent que le haqq est le wahid, c'est-à-dire que dans une mas'ala, le statut juste, le hukm juste, il est qu'un seul, donc tous les autres mujtahid qui contredisent ce hukm qui est juste, ils sont murtaoun, se sont trompés, pourtant ils ont une récompense. Mais ça, c'est dans les sujets dans lesquels l'ijtihad, il est permis. Il n'y a pas d'ijtihad. Quand on dit « Rabbana la tu'akhidna innasina ou akhta'na » Inna sina wa akhta'na fi tawhid fi shirk. Il y en a, ils prennent ces versets-là pour excuser les mushrikines. Il a fait du shirk akbar, mais il est fille morte. Il a fait un ijtihad, il s'est trompé. Il a fait du shirk akbar, ghayr ma'adhur. Il n'est pas excusé. Il commet du shirk, il est mushrik. Et là, il dit quelque chose qui montre que dans le premier point, il vise pas la croyance. Il dit ici. Il dit, ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك لا سيما إن اتبع في ذلك هوى ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك. Donc il dit, par contre, celui qui sait que ce mujtahid-là, il a fait une erreur. Il sait que le mujtahid, le hukm qu'il a émis, il contredit le hukm d'Allah et son messager. Et il le suit. Donc là, on voit bien qu'il a la bonne croyance. Il croit que cette fatwa-là qu'il a donnée, le mujtahid, elle est batil. Ce hukm, il est batil. Il contredit le hukm d'Allah et son messager. Mais il le suit. On voit bien que c'est une chose différente. Le fait de suivre une législation, d'accepter une législation, et le fait de croire qu'elle est juste, c'est deux choses différentes. Et ici, le shirk qui est voulu dans ce verset-là, et dans ce verset-là, shirk ta'a, c'est le fait d'obéir, de se soumettre, de suivre, d'accepter une législation qui n'est pas la législation d'Allah et de son messager. C'est ça le shirk. C'est pas seulement la croyance de croire que c'est halal ou haram dans la législation. Il dit alors celui-là, il dit, il sait que le mujtahid il s'est trompé et il s'écarte de la parole du messager d'Allah. Celui-là, il a une part de ce shirk-là. Surtout s'il fait ça par hawa. Et qu'il va secourir cet avis-là, cette fatwa-là, avec sa langue, c'est-à-dire en parlant. Et encore une fois, il répète en insistant, en sachant que ça contredit le hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fahaza shirk. Ça rentre dans le shirk. Donc ça éclaircit ce qu'il a voulu dire. Dans le premier point, ça veut bien dire que le shirk, c'est quoi là-dedans? C'est le fait d'accepter et de se soumettre à une autre législation, même si on croit qu'elle est batil. Si en plus on croit qu'elle est ça, qu'elle est juste, qu'elle est halal, ça c'est un shirk supplémentaire. Ça rentre dans kufr takdhib. Mais l'autre à la base, c'est une adoration pour un autre qu'Allah. C'est shirk billahi ta'ala fi ta'a, le fait d'obéir à une autre législation. Amlahum shuraka shara'ulam min ad-din. Il termine en disant, Et ici, il parle de El-Muqallid. Ici, ça nous concerne tous. Encore une fois, dans les sujets de l'ijtihad, nous, on est muqallidun. Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de demander aux gens du dhikr, comme Allah Jalla wa Ala dit, Fas'alu ahl al-dhikri, in kuntum la ta'lamun. Donc, dans l'ahkam, dans le furu', on apprend l'ahkam et on suit les mujtahidin des quatre mazahib, par exemple, que ce soit l'imam Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i, l'imam Ahmed ou d'autres mujtahidin qui sont reconnus comme étant des mujtahidoun, qui ont les outils de l'ijtihad et les sciences de l'ijtihad. Nous, on a le droit de su suivre ces gens-là parce qu'on est incapable de savoir est-ce que ces gens-là, leur ijtihad, il est juste ou il est faux. Comme on est des incapables, on n'a pas la science pour savoir ça, on a le droit de les suivre. Ça, c'est le sujet du taqlid et de l'ijtihad. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent est-ce que le mujtahid, il a le droit, هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر? Est-ce que le mujtahid, il a le droit de faire du taqlid envers un autre mujtahid? Et wallahu alam, je sais pas si c'est un ijma, je vais pas m'avancer, mais en tous les cas, les ulama, la majorité des ulama, Allahu alam, ils disent que non. À partir du moment où le mujtahid, il a les outils de l'ijtihad et il peut comprendre le hukm d'Allah et de son messager directement à partir du Coran et de la Sunna, il n'a pas le droit d'aller suivre quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de suivre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de suivre sa législation. Et pas le droit pour celui qui est capable de connaître le hukm d'Allah de suivre un autre hukm de celui à propos duquel il pense, où il est sûr, où ce qu'on appelle ghalib al-dhan, il pense que c'est le haqq, il doit suivre ce hukm-là, il n'a pas le droit de suivre un autre mujtahid, ça rentre dans ce bab-là. Et on va arrêter là, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, on lira le verset suivant qui concerne le shirk mahabba, le shirk dans l'amour. Donc là, on a lu deux versets où on a vu que dans le premier verset, l'explication de la ilaha illallah mutabaqatan, donc l'adoration d'Allah seul et le rejet de toute autre divinité dans le verset de Sourate Az-Zukhruf. Donc le verset avec Ibrahim et le deuxième verset dans Shirk Ta'a et donc que l'obéissance c'est un acte d'adoration qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à sa législation et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc inshallah on arrête là pour aujourd'hui. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.